soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessous, et n'ayons crainte de leur vile arrogance. Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Qu'importe les rires et les regards sur mes travers, ils sont ma richesse, mon étendard, ils sont ma terre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. À composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures, te tatouer sans mesure. Sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivant jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes.